Bonjour et bienvenue dans l'émission de Portrait Civique, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique chaque semaine. Alors aujourd'hui, on est avec Antoine au téléphone. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors toi, tu es en service civique à la Lune en parachute, c'est ça? Exactement. Alors la Lune en parachute, c'est une association œuvrant dans la promotion de l'art contemporain par le biais d'expositions, de performances, de manifestations et d'initiations des publics. Avant tout lieu, c'est un lieu d'exposition à Épinal, la Lune en parachute organise également des événements annexes. La Lune en parachute a accueilli plus de 250 artistes de renom dans un lieu atypique et chaleureux, la Plomberie. Alors vous avez toujours été là, la Plomberie à Épinal? En fait, c'est un... Comment dire, c'est une association qui a été installée du coup dans la plomberie par la mairie. En fait, c'était un bâtiment qui était les anciennes fontaineries et plomberies de la ville d'Épinal, parce que c'était dans le quartier un petit peu industriel, machin. Et ça a été laissé à l'abandon pendant quelques décennies. Ensuite, la mairie a voulu réutiliser ce bâtiment pour en faire un lieu d'art contemporain, en fait. Du coup, il y a trois associations, en fait, dans le lieu. Il y a la Lune en parachute qui occupe le plus de surface de l'association. Il y a une autre association que je connais, qu'on connaît, qui sont nos amis, qui sont le 46, qui sont des ateliers d'artistes. Et du coup, le mur qui invite un artiste à faire réaliser une fresque sur un mur qui est situé à côté de la plomberie et qui est composé de personnes du 46 et de la Lune en parachute aussi. Et du coup, voilà, moi je travaille à la Lune en parachute en tant que médiateur sur les expositions et en tant qu'aide, je participe un peu à la vie de l'association, quoi. Ok, donc l'association existe depuis 92. Vous avez toujours été sur Épinal? Moi, non, pas du tout. En fait, au départ, je viens de Seine-et-Marne, du côté de Fontainebleau. Je suis allé faire mes études à la sortie du bac à Angoulême, à l'école d'art. J'ai eu mon DNA, c'est-à-dire le niveau licence. Ensuite, je suis parti et je me suis retrouvé là. Voilà. Ok. Et j'ai choisi de venir à Épinal parce que l'association me tentait bien. Eh ben, on peut parler un petit peu du coup, comment tu as trouvé ton service civique? Alors, comment tu as atterri? Enfin, c'est quand même original de ne pas venir des Vosges et venir faire son service civique ici quand même. Bah en fait c'était au départ c'est ma copine qui m'avait recommandé un site qui s'appelait Profil Culture et en fait vu que je me retrouvais sans plan pour l'année prochaine, je me suis dit bah tiens, je vais aller peut-être retrouver des plans et d'ailleurs Profil Culture c'est un site que je recommande à tous les gens qui cherchent en fait des formations, que ce soit tout n'importe quoi, des formations, des stages ou même des services civiques dans le domaine de la culture. Alors c'est tout n'importe quoi. Bon, je fais un peu de la promotion pour le site mais bon, il m'a bien aidé, du coup je lui dois bien ça. Mais j'ai trouvé l'annonce comme quoi ils cherchaient un service civique du coup dans l'association et j'avais regardé, ensuite je suis allé voir leur site internet et moi j'aimais bien le site internet, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, j'aimais bien l'esprit, j'aimais bien tout ce qu'ils proposaient et du coup je me suis dit ah, allez tiens, je vais leur envoyer la candidature et ils ont accepté, je suis venu les voir ici pendant l'été et ensuite ils ont confirmé qu'ils me prenaient et voilà, et me voilà. Et tu connaissais pas du tout le service civique avant? J'en avais entendu parler juste, mais il y a d'autres personnes qui m'avaient dit oui, alors moi j'avais fait les compagnons du devoir, moi j'avais fait un stage, moi j'avais fait une année sabbatique. Non, moi ça me tentait juste de garder une année en même temps où je travaille un peu et en même temps où je suis un peu libre de faire mes mouvements, de faire des trucs à côté. Du coup voilà, c'est pour ça que j'avais pris le service civique. Parce que parle-nous un petit peu de tes études, tu as dit que tu as fait un DNA, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est aux auditeurs? Bien sûr, globalement c'est le niveau licence d'une école d'art en fait, il y a les écoles supérieures d'art. Et en fait, c'est trois années où en fait on arrive dans l'école d'art et on commence à essayer de créer un tout petit peu une démarche qui nous est propre en fait. Alors ça passe par des recherches. On doit faire beaucoup de recherches, soit sur soi, sur la manière dont on a travaillé. Alors au départ, j'étais arrivé à l'école d'Angoulême, qui est du coup la ville de la BD. Et au départ, j'avais vraiment une démarche plus bande dessinée, illustration, dessin. Et en arrivant là-bas, j'ai gardé toujours cette l'utilisation de la BD et du dessin, mais j'ai découvert beaucoup d'autres trucs aussi que maintenant qui sont quasiment mes médiums privilégiés, c'est-à-dire la vidéo. Je fais beaucoup de vidéos avec des petits dispositifs que je bricole, des choses comme ça. Performance aussi, j'essaie de m'investir dedans et voilà, installation aussi, installation beaucoup parce que j'aime bien bricoler, j'ai découvert que j'adorais bricoler. Et voilà, en fait, du coup, je suis ressorti du DNA, je me disais juste, tiens, je vais aller découvrir un tout petit peu, de progresser un tout petit peu en dessin, et je suis ressorti, et maintenant, je fais dans plein de médiums différents, j'ai plein de références différents, je suis beaucoup plus, c'est, c'est la découverte de l'art contemporain, en fait. On découvre plein de choses, on découvre qu'on peut faire de l'art avec tout ce qu'on veut et tout ça. Et du coup, voilà, je suis sorti du DNA, et voilà, en me disant, tiens, j'avais envie de changer d'air. Au bout de 3 ans, Angoulême, c'est petit un peu quand même. Du coup, j'avais envie de changer d'air, du coup, je suis parti, je me suis retrouvé à Épinal. Alors, est-ce qu'Épinal est vraiment plus grand qu'Angoulême? Je suis pas sûr. Absolument pas. Absolument pas, mais c'est presque plus actif, en fait. Ah oui, vraiment? Ouais, c'est presque plus actif. Bah, la ville propose pas mal de choses, tout ça. Angoulême, c'est... Quoique Angoulême, j'en ressors, ça progressait quand même un tout petit peu. Il y a des choses qui se sont développées, parce que j'ai toujours contact avec des gens qui sont là-bas. Et ouais, on me dit, ouais, ça se développe pas mal, mais Épinal, franchement, j'ai été surpris, quoi. Et c'était le cas de tous les gens qui sont venus me rendre visite, en mode, ah, j'imaginais pas Épinal comme ça, en vrai, ça va, ça va, c'est plutôt cool, en fait. Okay. Voilà. Du coup, ça a été une plutôt bonne surprise, voilà. Et alors, par rapport à tes études, tu comptes continuer après le service civique? Bah là, justement, c'est ton mec qui me dit ça, parce que là, j'étais justement en train d'essayer de préparer mon oral pour rentrer à l'école de les Halles de Metz, en fait. Mm-hmm. Voilà, les Halles de Metz, en fait, bah c'est la une école jumelée à celle d'Épinal, en fait. D'accord. Du coup, bah, plus ou moins, si jamais je rentre à l'école de les Halles de Metz, bah, je serais plus ou moins dans la même école que les gens que je connais qui sont à les Halles d'Épinal, en fait. Et pour d'art. Pourquoi Metz et pas Épinal? Il n'y a pas les mêmes spécialités? Non, tout simplement qu'en fait, les Halles d'Épinal, en fait, ne proposent pas des DNCEP, du coup, c'est-à-dire l'équivalent master, en fait. Elles proposent uniquement des DNA, c'est-à-dire les 3 premières années. Et moi, vu que j'ai mon DNA, je peux pas refaire un DNA, en fait. D'accord. Tout simplement. Et tu voilà. Refais quelque chose, ça reste généraliste ou tu te respécialises, enfin tu te spécialises dans quelque chose ou... C'est-à-dire ? Ben dans ce qui est proposé à Metz, est-ce que ça va être 2 ans sur un thème en particulier, je sais pas, sur plus... Oui, plus ou moins, on peut dire ça comme ça en fait. L'idée c'est vraiment de rechercher un thème qui nous est propre. C'est le principe d'un mémoire en fait, le but d'un DNCEP c'est de produire un mémoire, c'est sur une thématique qu'on aura... qui est un peu le fruit de nos recherches, du coup c'est un peu introspection, genre en sauce, ben, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai bricolé ça au fond, tout ça, de quoi ça parle, tout ce que j'ai bricolé avant, de quoi ça parle, tout ça, et de produire un mémoire là-dessus, qui, en plus en école d'art c'est chouette parce que le mémoire peut prendre plein de formes différentes, je peux en faire une BD, bon le but c'est d'en faire un peu un livre quand même, plus ou moins, ça peut être, je sais pas, un logiciel, n'importe quoi, mais le but c'est justement de, ça peut être quelque chose d'assez libre en fait, et du coup ça peut parler de tout et n'importe quel sujet, du moment qu'on arrive à le rendre intéressant et qu'on arrive à prendre des choses avec, en fait. Voilà. Et du coup, voilà, c'est l'idée, c'est se spécialiser pendant 2 ans dans un domaine de recherche et produire en même temps des travaux qui sont en rapport avec ça et en même temps montrer qu'on a fait la recherche, quoi. Enfin, je dis montrer, mais c'est surtout proposer le résultat de toutes les recherches qu'on a fait, en fait. Et c'est important. Est-ce que tu penses que le service civique à la Lune en parachute va vraiment t'apporter quelque chose à ton niveau professionnel, on va dire, artistique, inspiration Oui, ça a été... au départ, je le concevais un peu comme une bouffée d'air frais, c'est-à-dire dans le sens où, ouais, les études d'art, c'est quand même assez important, c'est quand même assez intense, surtout, il faut essayer de trouver son rythme, comme ça, c'est pas, t'as pas un rythme imposé, du sens où faut vraiment créer son rythme, ce qui fait qu'au départ, on est un tout petit peu sans palier, on est un peu perdu, et du coup, c'est assez difficile. Et du coup, j'avais fini par être un peu perdu, et c'est pour ça que genre ouais, le service civique, ça m'a permis de reprendre un rythme qui est le rythme du service civique. 24 heures par semaine, c'est pas gigantesque non plus. Mais justement, ça permet de reprendre un rythme et tout ça. Et en soi, participer à une vie d'assos d'art contemporain, ouais, c'est intéressant. Tout n'est pas intéressant. Il y a comme dans tous les travaux, il y a des choses un peu moins plus ou moins intéressantes que d'autres. Mais justement, ouais, ça, il y a des choses que j'ai trouvé très chouettes de découvrir. D'autres qui m'ont un peu ennuyé, d'autres que j'ai vraiment trouvé très très intéressante, dans le sens, par exemple, j'ai découvert la médiation. J'ai découvert qu'en fait, essayer de créer une visite, partager aux gens, parfois des œuvres qui sont assez devant lesquelles l'observateur peut être assez perdu. Justement, là, c'est là que j'interviens en disant oui, mais alors l'artiste, il a voulu dire ça, enfin il a voulu exprimer ça. Alors des fois c'est rigolo parce que le visiteur, il est en mode bon non, je suis pas d'accord, moi je trouve ça nul, et des fois il dit, bon la plupart du temps, il dit ah oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est chouette. C'est vrai qu'on avait vachement besoin de la médiation. Du coup, j'ai découvert que la médiation, c'était quelque chose d'assez essentiel en fait dans le domaine de l'art. Découvert à quel point c'était important parce que c'est quelque chose qui fait le lien entre ce qu'on considère le public, l'observateur, celui qui en profite et le créatif en fait, celui qui a voulu produire et l'objet qu'il a voulu produire en fait. Et c'est très important en fait. Par rapport à ton service civique de la Lune en parachute, j'imagine que quand tu as été sur Profil Culture, il devait avoir plein d'autres annonces intéressantes. Pourquoi tu as vraiment choisi celui-là en particulier? Ou est-ce parce qu'il n'y avait pas d'autres annonces qui t'intéressaient peut-être? Non, déjà qu'elle a répondu à mon annonce, ce qui est déjà pas mal. Ah, tu veux dire qu'il y a plein d'annonces, de personnes qui n'ont pas répondu à tes demandes? Ouais, il y en avait plusieurs, mais du coup, celle-là, c'était vraiment une de celles que je voulais le plus, en fait, parce que j'avais regardé sur le site internet et je trouvais ça vraiment, ça avait l'air vraiment chouette comme ambiance. Et ouais, c'est un truc qui m'avait pas mal plu. Et après, il y avait d'autres trucs qu'on m'avait proposé. Par exemple, on m'avait proposé un service civique, genre dans une sorte de salle de spectacle en Normandie ou un truc comme ça. Et oui, ça aurait pu être sympa, mais je suis content d'être là. C'est un peu le hasard qui a choisi pour moi. Et finalement, je suis très content du choix qui a été fait, quoi. Ok. Et alors, ça n'a pas été trop dur de déménager d'aussi loin, de Angoulême? Alors, est-ce que tu venais déjà de... Tu as dit que tu as fait ton DNA d'Angoulême, mais peut-être que tu vivais avant ailleurs. Tu nous as dit au début, oui. Ouais, au départ j'étais en Seine-et-Marne, mais ouais, ça a été compliqué parce que c'est vraiment traverser la France dans sa diagonale, en fait. Du coup, ça a été compliqué, surtout que moi j'avais tout mon barda. Du coup, ouais, on a dû faire le trajet à plusieurs. Enfin, c'est une épopée, mais c'est comme ça, quoi. Faut le faire. En même temps, c'est un moyen de s'amuser un tout petit peu aussi, même si c'est intense. Même si moi je suis un gros bordélique, du coup heureusement qu'il y a ma copine qui était là pour m'aider, sinon ça aurait été un gros problème. J'aurais tout perdu, mais ouais, ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et ça n'a pas été trop dur de s'intégrer dans la vie d'Épinal? Je sais pas, comme tu connais personne, entre guillemets, de découvrir un peu des gens. Est-ce que justement avec la lune en parachute, tu as pu un peu découvrir de nouvelles personnes, voir un petit peu le tissu associatif? Au début, ça a été terrible. Hein. Au début, genre, en plus, j'avais débarqué en plein milieu de l'été dans Épinal. Je me disais, oh là là, il n'y a personne et tout. Genre, en plus, avec la covoiture, j'avais pris une covoitureuse qui m'avait dit, oh là là, je vis là-bas depuis un an. Oh là là, les hivers sont vraiment très durs. Et moi qui déteste le froid, j'étais en panique. Et les deux premiers mois, c'était un peu la galère. Je connaissais pas grand monde. J'avais des colocs qui n'étaient pas hyper loquaces non plus. Et du coup, ça j'avais du mal à casser la glace. Et puis, au final, à un moment, j'essaie quand même de me maintenir en activité, c'est-à-dire dans le sens où, ouais, bon, qu'à 24 heures par semaine, ça me laisse du temps pour faire d'autres trucs, même si c'est contraignant un tout petit peu, ça me laisse du temps pour faire d'autres trucs. Du coup, j'essaie de me maintenir en rythme, je faisais du full contact depuis 2 ans, je me suis dit, tiens, je vais commencer la boxe française, du coup, j'en fais deux soirs par semaine, ça m'occupe déjà 2 soirs par semaine. Ensuite, j'ai voulu faire du théâtre, du coup, j'ai découvert... on m'a parlé de ma patronne qui m'a parlé d'Amélie Armao, qui est une super prof de théâtre. Du coup, maintenant, je fais aussi du théâtre avec elle. C'est où ces cours-là? Hein? C'est où ces cours-là? Alors, le théâtre, c'est à la MJC Savouret, si je me trompe pas. Ok. Et l'autre MJC d'Épinal, j'ai un petit doute. Et le full contact, enfin la savate, pardon, c'est du côté du gymnase Saint-Exupéry, que je fais là-bas. Okay. C'est très chouette, tout le monde est très sympa, très bonne ambiance. Et sinon, ouais, il y avait le cinéma, ça occupe pas mal aussi, vu que le cinéma et la médiathèque sont juste à côté de la sauce, c'était un vrai plus. Ah bah oui. Ouais. C'est vraiment à côté, voilà. Quoi. En plus, ouais, ils avaient une bonne collection de livres et surtout une bonne collection de BD, du coup c'était... ils avaient des bons goûts en matière de choix de bande dessinée, du coup c'était assez chouette. Et surtout, il y avait la boîte à films qui faisait aussi des bons choix de films, du coup je m'occupais un soir, et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un, du coup, de les AL, on a commencé à discuter dans la salle, on était potes, et puis voilà, quoi, alors, du coup on est devenus potes, et maintenant je connais un peu tous les gens de les AL, enfin pas tous, mais j'en connais quelques-uns, et franchement, ouais, je me suis fait un tout petit réseau, mais c'est cool. Ok, donc voilà. tu profites vraiment en fait des heures à côté pour développer un petit peu, comment dire, tout ce qui est un petit peu personnel, quoi, voilà, des activités. Et surtout que je dois continuer à avoir une démarche, en fait, pour préparer le diplôme, j'ai commencé à me promener un tout petit peu à droite à gauche dans les bois qui sont aux alentours d'Épinal, à me dire, tiens, ce lieu-là, il est chouette et tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Et voilà, du coup, j'en ai profité pour continuer mes bricolages, et voilà, quoi, genre, ça a été, j'ai continué, quoi. J'ai fait des installations dans l'espace public, ou des trucs comme ça, des trucs vite faits, des trucs, des tests. Et ouais, j'en profitais aussi pour continuer à avoir une démarche, quoi, parce que justement c'était pour préparer aussi le master, c'était aussi une année pour décanter, pour savoir où est-ce que j'allais avec les trucs que je créais, tout ça. Voilà, c'est une histoire plus claire. Il y a des choses qu'on peut voir de ta patte en public dans Épinal, c'est ça que t'as dit? Oui, moi c'est plus des installations éphémères et surtout discrètes, en fait. J'aime beaucoup tout ce qui est l'art discret, parce que souvent l'art c'est question de se montrer, alors... Faut toujours qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut vivre de l'art, d'un art qui soit plus discret, en fait, quasiment qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait rechercher. Et c'est ce qui fait aussi la valeur d'un objet. Par exemple, un objet trouvé ou qu'on a recherché ou des choses comme ça, il a plus de valeur. Et moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait vivre de créations qui ne sont pas ultra monumentales et que qui veulent en imposer un max, et avec un petit truc discret, ça peut dire aussi pas mal de choses. Du coup, ouais, discret et éphémère aussi, dans le sens où c'était des choses assez fragiles. Du coup, je les installais, je les laissais une heure ou deux, le temps de filmer. Le temps qu'aussi qu'il y ait des gens qui remarquent en disant « Oh, c'est joli, c'est quoi ?» Et du coup, je discutais un petit peu avec eux, c'est l'occasion de rencontrer des gens aussi. Et à la fin, je démontais tout ça et je leur montais, et voilà quoi. 2 heures, c'est vraiment éphémère, effectivement. C'est même pas une journée entière ou quelques jours, quoi. Ouais, voilà, plus ou moins. Mais après, c'était dans le sens où c'était éphémère, surtout parce que c'était des tests. Du coup, c'était pour voir, tester. J'avais fait par exemple, je faisais des tests avec des couvertures de survie. J'avais fait une installation, j'explique vite fait, c'était une installation avec des petits poids, des scotch. En fait, c'était une voile flottante en couverture de survie, c'est-à-dire une matière dorée et argentée qui flotte dans le vent comme ça. Et moi, ça m'intéressait de voir ce que je pouvais faire avec, et j'ai testé, en fait. Et voilà, j'ai testé sur la passerelle à côté de la place des Vosges. Enfin, pas de la place des Vosges, à côté des Halles, quoi, voilà. Ouais, je vois, ouais. Effectivement, il doit avoir un petit peu de vent, quand même. Je fais des installations qui sont assez sensibles aux éléments. Par exemple, les jours où il pleut, c'est compliqué. Les jours où il y a beaucoup de vent, c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie du truc aussi, dans le sens où des fois, c'est des trucs que ça rate complètement, mais ça fait partie de l'intérêt du truc. Des fois, c'est en ratant complètement qu'on crée de nouvelles choses, en fait. Et c'est, tu dois demander l'accord de la mairie pour faire ça, ou tu fais vraiment en sauvage, comme ça dure quelques heures Vu que c'est un truc qui est éphémère, je me dis, bon, c'est pas tellement la peine que ça. Et puis je pense que si c'est des petits trucs si c'est des trucs qui sont pas méchants et qui abîment rien, je dis c'est bête de demander à la mairie pour ça, en fait. Enfin, tout le monde pourrait avoir le droit de faire ça, et du coup voilà quoi, genre c'est une façon qu'on a de se réapproprier l'espace aussi, l'espace public, voilà. Oui, de montrer à tous qu'on peut s'exprimer en public. C'est vrai qu'on a un peu le droit de s'exprimer un tout petit peu sur les murs de la ville. Les murs de la ville, c'est pas fait pour rester fixe comme ça et rien et rester gris comme ça. Non, faut utiliser un tout petit peu tout ça, voir ce qu'on peut faire avec, et c'est comme ça qu'on rend un endroit vivant, en fait. Et alors, pas juste un habitant. Et alors tout ça, tu le filmes, c'est ça, pour après tout ça c'est éphémère, mais tu le filmes? Ouais, en général oui, j'essaie de le filmer. C'est ce qu'on appelle faire de la documentation, dans le sens où genre on crée une sorte de petit événement très discret, plus ou moins discret et plus ou moins long. Mais l'intérêt, c'est quand même d'en garder une trace. Du coup, ouais, j'essaie de le filmer. J'essaie quand même de le filmer, de montrer, de garder une trace, en fait, tout simplement. Et alors tout ça, tu peux t'en servir pour dans ton book personnel, c'est-à-dire que quand tu vas présenter ta candidature pour des prochaines écoles, tu peux présenter tout ce travail, c'est ça? Ouais, l'intérêt, c'est de le montrer toujours, mais après, c'est surtout aussi pour moi, en fait, pour me rappeler de ce que j'ai fait, avoir du recul, regarder ça plus tard et me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais développer ça. C'est garder du recul, en fait, c'est une manière de me rappeler pour moi. Et oui, aussi, c'est surtout aussi pour mon... Enfin, surtout, c'est aussi en grande partie pour le montrer à des gens, en fait. Pour montrer qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux probablement développer aussi. Ok, alors je te propose tout de suite une première pause musicale. Allez. Avec The Dead South, In Hell I'll Be In Good Company. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo dans l'émission Portrait Civique. Et aujourd'hui, on est avec Antoine de La Lune en Parachute. Et vous venez d'entendre une chanson de The Dead South, In Hell I'll Be in Good Company. Alors Antoine, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton service civique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la mission? Quand tu as postulé, j'imagine qu'il y avait une mission détaillée. Alors, le truc, c'est que moi, vu que j'étais un petit peu dans une situation d'urgence, je l'avais lu un petit peu en diagonale comme ça, mais j'avais lu quand même des trucs qui étaient assez intéressants. Notamment, vu que l'association, du coup, elle est située à La Plomberie, mais elle propose aussi un autre événement, en fait, qui est plus ou moins un événement, qui s'appelle l'Arbus. Et c'est quelque chose dans lequel, chaque année, au début d'année, ils font un appel à projet. Et il y a un artiste qui va venir dans un bus que du coup Transdev, c'est un événement qui est en association avec Transdev Grand Est, qui nous ont laissé leur emprunter un bus qu'on a customisé, machin, et dont on a enlevé tous les sièges à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait c'est une sorte de grande salle, de petite salle itinérante en fait, et chaque année il y a un artiste contemporain qui vient utiliser cette salle, et c'est un peu une sorte d'installation contemporaine itinérante en fait. Et le but, c'est que toutes les semaines, le bus aille dans un collège des Vosges, en fait. Du coup, le but, c'est que les collégiens puissent avoir accès à l'art contemporain, qu'ils soient pas obligés tout le temps de se déplacer, parce qu'aller dans un centre d'art contemporain, c'est loin et parfois c'est intimidant. Et l'idée, c'est que l'art contemporain vienne à leur rencontre et que ce soit des trucs qui peuvent les intéresser, en fait, qui sont assez chouettes. Et du coup, moi, mon travail dans tout ça, c'est de prendre la voiture, d'aller chercher le conducteur, qui s'appelle Roland, de l'emmener au collège dans lequel était situé l'Arbus, qui monte dans l'Arbus, on emmène l'Arbus à un autre collège, et voilà, ensuite je ramène le conducteur. Ok, c'est pas toi qui fais rouler le bus? Non, j'ai pas un permis poids lourd non plus. C'est quand même un gros bus, c'est ça, les gros bus, je sais pas, soixantaine de places, c'est ça? C'est l'équivalent d'un bus, ouais, c'est l'équivalent d'un bus scolaire en fait, c'est un ancien bus scolaire. Et c'est Transdev qui vous l'a prêté, c'est ça? Ça appartient pas à vous? Mais non, pas vraiment. En fait, il est à eux, mais disons qu'on peut l'utiliser librement, en fait, en quelque sorte. Bah, il est à notre disposition, en fait. Ils nous ont mis un bus à notre disposition. Ouais. Et en même temps, s'ils les récupèrent, ils pourront peut-être plus en faire grand-chose. Bah ouais, disons que ouais, il est un petit peu dans un état un peu douteux, mais justement, voilà, ils allaient pas, vu qu'il allait peut-être partir à la casse bientôt. Ils passent le contrôle technique encore, bien sûr, mais disons que ouais, il était plus tout neuf, du coup, voilà, ils nous l'ont laissé, et voilà, on peut l'utiliser comme on veut, en fait. Et donc ce bus se déplace de collège en collège. Est-ce que c'est dur d'installer des œuvres dans quelque chose qui roule et qui risque justement peut-être de rouler, de tomber entre les deux collèges? Alors ça dépend de l'installation qu'on veut faire. Et en même temps, oui, c'est dur, ça peut être dur, mais ça fait partie de la contrainte en fait. La contrainte c'est parfois un des meilleurs moyens de créer. Et en fait, c'est très chouette en fait, dans le sens où l'idée justement c'est d'avoir des contraintes. Et on se dit, il va y avoir des vibrations, on peut pas mettre d'électricité, du coup pas de lumière, rien, du coup, alors comment essayer de faire un truc sympa, qui résiste du coup au mouvement, et tout ça, parce qu'en plus, des fois il y a des virages, on doit prendre des virages assez serrés, des fois quand il y a des petites ruelles dans les villages ou des trucs comme ça, c'est parfois compliqué. Et l'idée c'est de proposer quelque chose qui sera fait en contrainte et justement qui soit intéressant à regarder, parce que c'est dans un endroit assez improbable en fait, un bus, enfin. Une installation d'art contemporain dans un bus, c'est assez improbable. Et justement, moi, c'est l'originalité du projet qui m'avait plu, en quelque sorte. Du coup, la contrainte du bus, en fait, quelque part, c'est plus une façon de créer quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau. Ah ouais, après, bien sûr, c'est dur, mais justement, c'est une façon de s'amuser. C'est un peu un challenge pour les artistes de s'adapter à ce bus, j'imagine. Ouais, bien sûr, exactement, ouais. Et alors, du coup, c'est fixé comment? Surtout, j'imagine, sur le plancher ou le plafond, parce qu'il y a quand même les vitres qui sont toujours là. Comme je l'ai dit plus tôt, ça dépend exactement de ce qu'on veut proposer en fait. Alors une année, ils avaient reconstitué en fait, justement, c'était les gens du 46 qui nous avaient aidé, qui l'avaient créé pour nous. C'était vraiment, en fait, ils avaient recréé une grotte à l'intérieur du bus en fait. C'est-à-dire de l'extérieur, on voyait pas grand-chose, on voyait une sorte de gloubi-boulga de machin, et on rentrait à l'intérieur du bus. Et en fait, c'était à l'intérieur du bus, il y avait une énorme grotte, et à la place comme dans les grottes de Lascaux ou des grottes préhistoriques, il y avait des petites fresques de street art en fait. Ils avaient vu des petits pochoirs, des trucs, des machins. Du coup, ça ressemblait à une sorte de street art, de grotte de street art préhistorique. Et les collégiens, ils pouvaient laisser des inscriptions, ils pouvaient faire eux-mêmes leurs tags dessus, ils pouvaient interagir librement avec le truc. Et ça faisait. Du coup, voilà, ça c'était un truc bien maintenu. Mais par exemple, cette année, on a une installation avec des panneaux, des peintures collées sur des plaques de contreplaqué. Alors du coup, ouais, pareil, c'est un peu improvisé aussi, c'est ça le bricolage. C'est essayer de bricoler un tout petit peu, alors on a essayé de le fixer dans le sol, on a rajouté un faux sol, comme ça c'est un sol en bois, du coup ils ont pu visser des trucs dedans, ouais, du coup ça c'était. Pour eux, ça allait cette année, ils n'ont pas eu trop de mal, en deux jours, trois jours, c'était installé, quoi. Plus aidé. Mais alors une question, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'électricité dans le bus, du coup, pour la grotte, si vous cachiez les vitres, comment on ne voyait plus rien à l'intérieur. Ils avaient laissé des lampes, vous savez, les lampes dynamo qui font... D'accord. Okay. Ils en avaient à disposition des élèves et à la fin de chaque sortie, les élèves, ils les rendaient. Ah, c'est vraiment, on explore la grotte à l'aide de lampes, comme si on était vraiment, quoi. Voilà, exactement. C'était le truc. Mais ça, c'était une année précédente. Cette année, c'est un autre truc. Par exemple, l'année dernière, j'avais vu le projet de l'Arbus, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu. C'était un peu compliqué à expliquer. C'était un artiste qui s'appelait Gauthier Ziffle, qui est un artiste lorrain d'ailleurs, qui avait pris une grande branche, l'a découpée en tronçons, et du coup, il y avait le motif de la tranche du tronc. Ils avaient fait en sorte de récupérer d'en faire de ces branches-là un tampon, en quelque sorte, et de récupérer le motif de la tranche. Il avait pris plein de plaques de plexiglas, et sur chaque plaque de plexiglas qui du coup était alignée à l'intérieur du bus, il y avait imprimé dessus ces fameuses tranches de branches d'arbres, en fait, ce qui fait que toutes les planches de plexiglas superposées reconstituaient un peu la silhouette de l'arbre. Et le volume de la branche d'arbre, c'était l'équivalent de la consommation en carbone du bus en un an, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais il faut aller voir sur le site de la Lune en Parachute si vous voulez des visuels. Si, je pense que j'ai vu des images. C'est pas un truc qui s'appelle empreinte ou ça fait... Voilà, c'est ça, ouais. Okay. Empreinte, ouais, exactement. Ah, mais du coup, c'est un jeu de mots avec l'empreinte carbone. Exactement. D'accord. Empreinte carbone et empreinte du bois, ouais, exactement. Ok. Ouais, moi, je pensais que ça représentait en fait des empreintes de doigts, mais pas du tout, en fait. Non, d'accord. C'est la tranche d'une branche d'arbre, en fait, voilà. Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir donc des explications avec l'œuvre. Ok, et du coup, c'est des œuvres que font les artistes exprès pour l'Arbus ou des fois, ils adaptent des œuvres déjà existantes? Bah, par exemple, cette année, l'artiste, ouais, effectivement, il avait fait des créations avant. Il s'est dit, tiens, je vais essayer de les installer dans le bus de façon à créer une sorte de parcours. Du coup, ouais, c'était quelque chose qu'il avait créé avant et qu'il se dit, tiens, je vais adapter ça au bus. Il y en a un autre, bah justement, par exemple, Gauthier Ziff, qui a dit, non, ça, je vais faire vraiment un truc pour l'Arbus. Ça dépend, en fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Tant que ça crée du sens, on fait ce qu'on veut. Et du coup, ces artistes, ils sont obligés d'être disponibles pendant l'année scolaire? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la même exposition, donc de septembre à juin, qui roule. Donc, est-ce que l'artiste doit tout le temps être là? Non, l'artiste, il continue à faire sa vie. C'est moi, en fait, qui dois gérer... Bah, en fait, c'est moi qui dois gérer un tout petit peu. Genre, des fois, s'il y a des trucs qui sont un peu abîmés ou des choses comme ça, c'est moi qui dois... Je dois être là un tout petit peu. Ou si jamais le public a un peu besoin d'explications au moment où j'apporte le bus, bah ouais, je participe un peu petit peu. Non, l'artiste, il fait sa vie ailleurs. Non, c'est... Bon, sauf si jamais il y a un très, très gros problème ou, par exemple, si l'installation, elle est abîmée de façon très grave... Là, on fait revenir l'artiste qui se déplace pour aller réparer le truc. Mais non, et sinon, pour expliquer l'œuvre, non, il y a une professeure d'art plastique qu'on connaît, qui est Céline Mahadini, qui est un peu une partenaire de l'association, qui justement fait, du coup, pas la médiation, mais le lien entre les professeurs d'art plastique et, du coup, nous, l'association, ce qu'on leur propose, en fait. Et du coup, l'idée, c'est non seulement que le bus arrive dans le collège, et que du coup les collégiens puissent visiter par groupe de 10 l'installation avec leur professeur, mais qu'en plus les professeurs d'art plastique adaptent leur cours pendant cette semaine-là, qu'ils fassent par exemple des cours ou des activités en rapport avec ce que l'Arbus propose, en fait. Et du coup, c'est vraiment, les élèves viennent en fait pendant le cours d'art plastique, il y a pas le bus n'est pas ouvert pour qu'ils puissent venir comme ça en libre Non. Ouais, non, l'idée, bah, vu qu'on va pas laisser les collégiens entrer et sortir comme ils veulent, ce serait un peu dangereux et instable. Non, l'idée, c'est que justement, ce soit sous la supervision d'un professeur d'art plastique. Pendant le cours, ils viennent visiter le bus en question par groupe de 10. Alors, il y a tous les trucs de sécurité, pas de trucs qui brûlent, pas de stylo, pas de sac. Et du coup, l'idée, c'est que pendant le cours d'art plastique, par groupe de 10, les profs leur fassent visiter le bus, en fait. Du coup, ouais, c'est comme une visite c'est comme une visite dans un musée d'art contemporain, sauf que c'est dans un bus et dans la cour de l'école. Quand tu parles de sécurité, du coup, il est obligé de, j'imagine, si ça prend feu et tout, il faut des sorties de secours et tout. Ouais, les sorties de secours, il y a une deuxième sortie qu'on peut ouvrir en cas d'urgence, mais sinon, ouais, après c'est des sécurités très basiques, hein, c'est-à-dire, bah, je les ai déjà dit, pas plus de 10 élèves, pas de sac, bah, la sécurité c'est pas tant pour les élèves, surtout que pour l'œuvre en fait, c'est elle qui craint le plus dans l'histoire. Du coup, ouais, en général, pas de sac, rien qui peut abîmer l'œuvre et surtout, bah, rien qui peut abîmer les élèves non plus, quoi. Voilà, ça fait partie de l'ensemble des contraintes de création de l'œuvre aussi, bien sûr. Oui, parce que du coup, ça ne doit pas boucher, j'imagine, la deuxième sortie. Il faut que les élèves quand même puissent circuler. C'est pas Exactement. Juste, ils rentrent et ils sortent quand même. J'imagine qu'ils se déplacent dans le bus. Voilà, ils se déplacent un tout petit peu. Et surtout, le but, l'intérêt aussi de l'installation, c'est pas de proposer un parcours genre un peu rectiligne, en fait. C'est-à-dire aller, retour, au revoir. Tu vois. Non, des fois, le but, c'est d'essayer de rallonger le plus possible le parcours, proposer des contraintes. Des fois, certaines installations, ils devaient se baisser. Des fois, ils devaient explorer une sorte de boyau comme ça, bricoler avec des trucs de briquet de broc. Non, ouais, c'est... Voilà. Et alors, du coup, toi, tu n'es pas forcément là, en fait, quand les élèves visitent? Non, en fait, je suis là pour l'apporter, en fait, tout simplement. Peut-être que... Non, c'est... des fois, au début d'année, j'avais discuté vite fait avec les profs pour qu'ils sachent... un petit peu quoi dur, même s'ils avaient déjà reçu le dossier pédagogique fait justement par cette prof d'art plastique, Céline Mahadini. J'étais là surtout pour la porter, en fait, surtout pour conduire le conducteur et la porter là, en fait. Et du coup, t'as pas trop de réactions des élèves? Ou alors, t'as les profs peut-être quand même qui te font un retour? J'ai pas souvent des retours, en fait. Pas souvent des retours, mais en général, c'est via Céline qui les font, en fait. Moi, je suis là juste vraiment pour apporter le bus, en fait. Et l'artiste, il est jamais intéressé d'avoir un retour par rapport à comment les élèves ont réagi? Alors ça, je sais pas trop. On n'a pas trop de contact avec l'artiste en général. Ça, c'est plus en fin de saison. Je crois qu'on lui fait une sorte de compte-rendu de où est-ce qu'on en a pensé, en fait. Et ouais, à la fin de chaque saison, peut-être qu'on lui envoie un compte-rendu, un truc comme ça. Ouais. Ouais, parce que pour lui, justement, c'est pas habituel ce genre de choses. Ça doit être vraiment intéressant d'avoir, comme tu dis, un compte-rendu de ce qui s'est passé, comment c'était, et puis. Ouais, positif ou négatif, c'est toujours intéressant. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais après, je sais pas trop comment ça se passe pour ces côtés-là. Peut-être que non, je suis pas trop mis au courant, en fait, de ça. C'est pas ce que font les élèves, j'imagine. Est-ce qu'ils font un petit compte-rendu, des fois, en cours? Moi, je me souviens des cours que je faisais où, après une visite, on me disait, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? Donnez votre avis. Ouais. Je sais pas si c'est ça. On sait rien quoi dire, on sait pas du tout quoi dire. Mais en général, non, surtout que les profs d'art plastique, c'est pas des indécis, en général ils sentent quand quelque chose a plu ou n'a pas plu ou des choses comme ça et ils le ressentent bien. Et en général, oui, on a eu des retours assez positifs, en fait, surtout qu'en plus là, cette année c'est un truc, c'est une installation qui reprend beaucoup de personnages de la pop culture, qui reprend beaucoup, c'est très lié, c'est très street art, du coup c'est très très lié à la pop culture, des choses comme ça. Du coup, ouais, en général cette année les profs nous ont dit oui, les élèves aiment beaucoup, ça leur plaît, ouais, c'est chouette. Est-ce que tu crois que les artistes, prennent en compte le fait que ça soit des collégiens, le public, ou pas du tout? Oui, bien sûr, faut faire un tout petit peu attention à ça, mais ça c'est normal, je dirais, parce que c'est un public particulier, du coup, ouais, bien sûr, pour un public particulier, travail particulier, et bien sûr, c'est normal, on peut pas mettre des trucs un peu trop violents ou autre chose. Dessus, ça fait partie, pareil, de la contrainte. Hein. C'est quelque chose à prendre en compte et justement, il faut créer en fonction. Est-ce que tu sais pourquoi on a choisi des collégiens, pourquoi pas des lycéens ou des écoles primaires? Je ne saurais pas trop répondre. ça, je ne saurais pas trop répondre. Mais disons que on a fait quand même un lycée pour ce qui était de la semaine de la culture. On avait quand même choisi un lycée. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des collégiens et je sais pas, selon moi, après ça c'est mon point de vue personnel, mais selon moi, les lycéens, ils commencent déjà à être un peu plus autonomes, à bouger, à aller visiter des choses. J'ai eu quand même, quand je fais de la médiation à la Lune, j'ai quand même souvent parfois des lycéens. Les collégiens, c'est beaucoup plus rare, en fait. Et ouais, les collégiens, ils sont, surtout que c'est l'adolescence, du coup, ils ont besoin de, là je m'embourbe un peu, mais je saurais pas trop répondre, mais ouais, les collégiens, pour moi, ça fait sens, en fait. Ok, c'est un peu le bon moment pour eux de s'ouvrir à la culture et l'art, quoi. Voilà, voilà, c'est bien formulé. Ok. Il y a 15 collèges, c'est ça, dans l'année. Est-ce que vous choisissez toujours les mêmes chaque année ou vous essayez de changer tant que ça reste dans les Vosges? Non, faut que tout le monde puisse en profiter. Du coup, une année, on enlève un collège pour en choisir un autre, pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais, faut que tout le monde puisse en profiter. pas chaque année, mais que sur d'une année à l'autre, il y a un peu tous les collèges des Vosges qui puissent en profiter, quoi. Et tu penses qu'une semaine, c'est court, c'est long? Ou est-ce qu'il devrait rester plus longtemps, moins longtemps? Non, moi, une semaine, c'est bien. Et puis surtout, ça permet d'instaurer un rythme comme ça, tac-tac. C'est plus pratique, surtout pour moi et pour le conducteur. C'est plus simple, en fait. C'est mieux d'avoir des horaires fixes. Non, une semaine, c'est bien parce qu'après, il faut que toutes les classes, plus ou moins toutes les classes du collège puissent passer, en fait. Du coup, une semaine, non, c'est bien. J'ai vu un petit peu sur le site les dates. Du coup, il y a des pauses, j'imagine, elles doivent correspondre aux vacances scolaires, mais elles font en général un mois. C'est au cas où que les œuvres sont abîmées, qu'il y ait des réparations à faire pour vous avoir le temps de refaire quelque chose, ou c'est pour comme ça un mois Non, il n'y a pas forcément de décision derrière Non, des fois, un mois, ouais, c'est en rapport avec les vacances scolaires, et surtout pour l'hiver, en fait, parce que dans l'hiver, on le laisse un mois... on le rend à Transdev pendant un mois pour qu'il puisse passer l'hiver, parce que disons que pendant l'hiver c'est plus instable, des fois qu'il y a du verglas, ou que vu que le bus reste toute la semaine dehors, qu'il fasse pas trop froid, qu'il s'abîme avec le froid, on a déjà eu des soucis techniques avec le fait qu'il soit resté une semaine dehors, des fois on a eu des soucis techniques. Ah oui. Du coup, ouais, non, le mieux, c'est un mois en général, c'est ouais pour lui faire une pause, pour voir si tout fonctionne, et voilà quoi. Ça permet au moins de le rentrer dans un garage qui soit pas tout le temps à l'extérieur, quoi. Ok. Et alors l'Arbus, j'ai vu, ça marche avec des mécènes, c'est ça? Ouais, il y a bien sûr des mécènes. Alors je les connais pas tous par cœur. Je les connais pas tous par cœur, mais ouais, il y a Moustache Bike qui nous sponsorise. Il y a une banque, non? Je crois. Ouais. Enfin, tout est sur votre site. Voilà, ouais, tout est sur le site. Et alors, du coup, comment ça marche entre guillemets, s'il n'y a pas de mécène, il n'y a pas d'Arbus? Plus ou moins, ouais. Parce que il y a Transdev aussi, un mécène, parce que elle fournit pas l'argent, mais elle fournit le bus. Du coup, ouais, c'est un mécène. Elle fournit le bus gratuitement, surtout. Du coup, c'est du mécénat officiel, en fait. Mais il y a quand même tout ce qui est essence, le chauffeur. J'imagine il y a quand même des frais. Il faut quand même avoir d'autres mécènes pour participer à d'autres frais, quoi. C'est ça. Pour tout ce qui concerne la partie technique du bus, c'est Transdev qui nous fournit tout ça. Mais sinon, ouais, après, on a besoin d'autres mécènes pour d'autres choses et pour avoir besoin de budget ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr, il y a d'autres mécènes, mais pareil, comme je vous dis, je les connais pas par cœur, faudra aller voir sur le site, quoi. Mais il y a jamais eu de soucis, dans le sens, il y a jamais eu d'année vous avez pas trouvé de mécène, et à chaque année vous arrivez à trouver de nouveaux partenaires, ou c'est toujours les mêmes, j'imagine? Non, j'ai pas été mis spécialement au courant s'il y avait eu des problèmes certaines années, mais chaque année le truc s'est fait sans trop de problèmes. Du coup, à mon avis, il n'y a pas eu dû avoir trop de problèmes. S'il y a des entreprises ou d'autres personnes qui peuvent être mécènes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller comment faire pour être mécène de l'Arbus? Déjà nous contacter à l'adresse mail lalunenparachute@gmail.com et nous contacter, et bien sûr si vous voulez proposer une aide financière ou autre, il n'y a pas de souci, on prendra en compte votre considération. Il suffit juste de nous contacter à notre adresse mail qui se trouve sur notre site avec un autre numéro de téléphone, et peut-être qu'on sera preneur, on prendra en compte ça et on verra. Alors merci d'avance. Une autre question, si un professeur ou CPE, enfin quelqu'un d'un établissement est intéressé pour faire venir l'Arbus, c'est toujours possible pour cette année, ou j'imagine ça sera pour l'année prochaine? Non, ce sera pour l'année prochaine. D'ailleurs, on a commencé à rédiger ma collègue a déjà commencé à rédiger l'appel d'offres, du coup, ouais, voilà, c'est... Pour cette année, c'est trop tard, bien sûr, parce qu'on fait la liste de parcours des collèges en début d'année, et ensuite ça change pas pendant toute l'année. Du coup, c'est pour l'année prochaine, peut-être faudra envoyer la candidature. Mais en général, je pense que tous les collèges des Vosges connaissent l'Arbus, et on a quand même pas mal de candidatures chaque année. En fait, on en a beaucoup. Je me rappelle plus du nombre exact, mais c'était beaucoup. Du coup, je pense qu'il y a vraiment la plupart des collèges des Vosges connaissent le projet. Ah, c'est limite, vous avez trop de demandes par rapport à. Oui, on a bien trop, en fait. Il faut en choisir une quinzaine, alors qu'on en a énormément, en fait. Du coup, ouais, on peut pas tous les prendre. Enfin, l'envie qui manque, on peut pas tous les prendre. Ok, alors si tu veux bien, on va faire une deuxième pause musicale. Vas-y. Avec Caro Emerald, The Maestro. No one seems to know. Because it was better before. This is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times. Vous êtes de retour sur Radio Guimauzo. Vous venez d'entendre une chanson de Caro Emerald, The Maestro. Et aujourd'hui, dans Portrait civique, on est avec Antoine de La Lune en parachute. Alors Antoine, tu nous as beaucoup parlé de l'Arbus. Est-ce que ton service civique ne concerne que l'Arbus ou tu fais d'autres choses au sein de La Lune en parachute? Il concerne en partie l'Arbus, mais disons que non, je participe beaucoup à la vie de l'association, enfin la vie de l'association dans le sens où, par exemple, les aider à divers trucs. Par exemple, on est en train de monter un événement qui va se dérouler, qui va s'appeler Instant Vidéo et qui va se dérouler pendant la fête de l'image d'Épinal, ça se passe en juin. Et on est en train de monter un truc qui s'appelle Instant Vidéo et qui va mélanger danse, musique, concert, vidging, c'est-à-dire projection vidéo, des choses comme ça. Ça va être, j'en dis pas plus, mais du coup, moi, c'est un peu mon rôle d'accessoiriste, c'est-à-dire, genre, par exemple, ils ont besoin de trouver des objets, des trucs, des machins, du coup, bah, c'est moi qui dois leur fournir et aller en chercher, par exemple. Bon, après, ça peut être pour des trucs plus, ça, c'est des trucs plus bricolage, des trucs comme ça, du coup, j'aime bien. Mais des fois, ça peut être pendant les semaines de montage, par exemple, là, en ce moment, on a une expo qui est Cruzamientos, qui est une expo de photographie et de vidéo sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Mexique. Et par exemple, pendant la semaine de montage, bah moi j'ai beaucoup aidé à monter, en fait, par exemple, positionner les lumières, installer les œuvres, trouver un moyen de les accrocher, enfin aider à trouver un moyen de les accrocher, des choses comme ça. C'est participer aussi au montage des expos aussi, du coup c'est. Voilà. Et sinon, globalement, ouais, c'est garder les expositions et faire la médiation dessus quand je vois que les gens sont perdus, en fait. Voilà. Donc, t'es un petit peu l'homme à tout faire, entre guillemets. Un peu, ouais. Et ça te plaît, ça, justement, de faire un petit peu de tout, de faire un petit peu du pratique, entre guillemets, ou de bouger un peu? Ouais, bien sûr. Bah, c'est surtout quand on bouge. Alors, je bouge pas tout le temps. C'est pour ça que je disais, ouais, il y a des choses qui sont plus ou moins passionnantes que d'autres. Mais ouais, du coup, ouais, ça, quand il faut bouger ou quand il faut expliquer des trucs, alors parce que la médiation, on bouge beaucoup. Genre, il faut expliquer aux gens, être montré quoi, enfin, être investi un peu dedans, dans ce qu'on raconte et tout ça. Du coup, c'est ouais, c'est tout ce qui me fait bouger. Ouais, c'est des trucs fun. Après, quand on bouge moins, c'est moins fun. Mais bon, tant pis, ça fait partie du truc. Hein, ça fait partie du truc. Est-ce que tu as le droit de nous dire qu'est-ce qui t'intéresse le moins? Garder l'expo quand il n'y a personne. Ah bah oui, ouais, effectivement. Voilà. Okay. Et il y a du monde justement qui vient à la Lune en parachute, parce que si vous existez entre guillemets depuis 92, c'est quand même pas récent. Donc est-ce que vous êtes connu ou il y a toujours encore besoin de se faire connaître? Alors il y a un truc très bizarre, c'est que les gens connaissent, enfin ont entendu parler de la Lune en parachute. En fait, on a tout le temps des gens qui ont entendu parler de la Lune en parachute, mais qui sont jamais venus. Alors depuis le temps, c'est un peu étonnant, surtout qu'en plus ils connaissent très peu le lieu. En fait, on a tout le temps que des gens qui connaissent assez peu le lieu. Enfin, sauf quand c'est des gens qui sont déjà venus. Du coup, à chaque fois, il faut réexpliquer. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le bouche à oreille. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourtant, vous êtes à côté de la bibliothèque et enfin la BMI et le cinéma. Ça amène pas du monde depuis qu'il y a ce gros pôle culturel. Bah si, en fait, pas mal en fait. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à la BMI. Et du coup, il y a pas mal de gens en fait qui, vers 18h, vers 17h, sortent de la BMI et du coup viennent ici. on a pas mal de flâneurs qui disent « Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller voir. » Et en fait, ils se retrouvent dans une exposition. Et là, je les accueille et je leur fais faire une visite ou des choses comme ça. Ok, donc comme quoi, ça peut être intéressant d'être dans un endroit qui bouge où il y a des gens qui passent, quoi. Ouais, voilà, voilà. Exactement. Après, il faut se voir un tout petit peu parce que c'est assez bizarre. Parce que dans le sens où, genre, le 46, qui est une expo qui est... Enfin, qui est une association qui expose un peu moins que nous... Mmh. Et ben en fait, ils ont la grande entrée, et nous, en fait, on est dans une rue qui est, enfin, dans une entrée qui est un peu plus à côté. Et du coup, c'est un peu plus discret. Du coup, ouais, voilà, c'est pour ça, faut réexpliquer aux gens. Que, oui, bah non, l'entrée, le parachute, la plomberie divisée en trois associations, etc., etc. Ok. Et alors, du coup, toi, tu fais beaucoup. Est-ce que tu touches un petit peu à la communication, faire connaître la lune en parachute, faire travailler, enfin, marcher les réseaux sociaux, aider à rechercher des artistes? Je distribue des affiches et les flyers. Je vais en ville un tout petit peu et je rencontre les gens. Oui, bonjour. Alors on organise une exposition. Il faut avoir ce que vous pourrez prendre une affiche. La plupart du temps, ils acceptent et voilà. C'est comme ça qu'on se fait connaître aussi. Ok, donc toi, tu vas vraiment vers les gens, quoi. Voilà. Ok, c'est rigolo. On bouge. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est chouette. Ok. Et alors peut-être, ça peut être intéressant de le dire. Donc, à la radio, que vous recherchez un artiste pour l'Arbus 2018 ? Ouais, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas si ça a été déjà posté, mais ouais, ça peut être chouette. Ok, vous avez toujours, vous recherchez toujours parce que c'est jusqu'à mai, c'est ça ? Alors là, je ne saurais pas précisément vous dire parce que j'ai pas reçu de précision plus que ça. Et en plus, moi, la précision et moi, ça fait deux. Du coup, je préférais pas trop en dire, histoire de pas dire trop de bêtises, mais voilà quoi. Ok, donc si quelqu'un est intéressé, regardez sur le site internet. Contactez l'association, il n'y a pas de souci, on prendra ça en considération. Quoi. Ok. Et alors, du coup, tu sais s'il y aura des prochaines... Alors déjà, est-ce que tu es le seul service civique ou il y a d'autres services civiques avec toi ? Je suis le seul, mais ils en prennent un par an. Du coup, je suis le seul, mais je suis pas le premier. Du coup, l'année dernière, c'était une fille qui s'appelait Anouk, qui était très sympa, que j'ai... Voilà, et du coup... Et cette année, c'est moi. Est-ce que tu sauras donc, enfin, tu sais, j'imagine qu'après la fin de ton service civique, il y aura une prochaine mission et ça sera la même que la tienne ? Plus ou moins, ouais, plus ou moins, je pense. Bah, après, c'est assez sympa parce que ça dépend en fonction des capacités de la personne qu'on prend en service civique. Par exemple, moi, j'étais pas très bon pour la compta. Du coup, on m'a dit, bon, bah, tu feras pas de compta, tu feras autre chose. Et du coup, voilà, quand j'ai été mis sur d'autres choses. Par contre, ouais, il y a des services civiques qui étaient pas trop mauvais pour la compta, du coup ils se faisaient aider pour la compta, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Ok, donc ça c'est super, c'est-à-dire qu'on fait l'entretien avec les gens de l'association, on dit ça on préfère, ça on est bon, ça on aime bien, et vraiment c'est un consensus, enfin ça se fait ensemble quoi. Ouais, après c'est quelque chose qui se fait aussi au fur et à mesure de l'année, par exemple, ouais, on se rend compte que ouais, bon, bah, ça t'es meilleur, par exemple... ma collègue, la personne avec qui je travaille, s'est aperçue que j'étais assez très bon en médiation. Du coup, elle s'est dit, bon, bah, tiens, je te mets tout seul sur la médiation cette année. Du coup, bah, c'est moi qui fais toutes les visites, les trucs, les machins. Et, par exemple, c'était aussi créer des petits événements, des ateliers, par exemple, pendant les expos. Par exemple, début d'année, c'était pendant une expo de Vladimir Škoda. Il y avait, à l'étage, du coup, dans la salle à l'étage, il y avait pas mal d'œuvres qui étaient des œuvres faites à partir de matériaux de récupération. Du coup, bah, j'ai fait un atelier que j'en ai fait 3-4, je crois. 3-4 durant l'exposition avec des personnes qui venaient, avec des détritus qu'ils avaient récupérés ou avec lesquels ils voulaient faire quelque chose. Et voilà, et on se mettait en plein milieu de la salle principale du rez-de-chaussée et on sur une grande bâche et on bricolait, en fait. Wow. Voilà, ça pouvait être aussi préparer des ateliers. Des activités comme ça, voilà. Ok. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on est au courant de ces ateliers, ces expositions ? Vous avez Facebook, un site internet ? Oui, on a le Facebook de la Lune en parachute. Faut pas hésiter à vous abonner. C'est comme ça que vous serez tenu au courant de notre newsletter. Vous pouvez aussi être adhérent. Mm-hmm. Vous pouvez aussi être adhérent. C'est à partir de 10 € et vous pouvez, comme ça, vous aurez toute notre newsletter et vous serez tenu au courant. Vous recevrez un joli flyer dans votre boîte aux lettres à chaque début d'exposition, avant chaque exposition. Et voilà, oui, voilà. Et on peut être aussi bénévole, c'est ça ? À l'association ? Voilà, ouais, on peut être aussi bénévole. Après, ouais, être adhérent, c'est aussi ouais, donner, faire un don aussi, être adhérent. Ok, voilà. Alors je rappelle vite fait les horaires d'ouverture, tu me corriges si c'est faux. C'est du mercredi au samedi de 13h à 18h et les dimanches de 14h à 18h. C'est donc 46B rue Saint-Michel, donc à Épinal, juste à côté donc, de la BMI et du Cinéma Palace. Alors, en tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin sur le service civique en général ou sur ton expérience La Lune en parachute ? Là, je crois que j'ai tout dit. J'en ai dit pas mal, du coup, voilà. pas vraiment. Ok, ça serait quelque chose que tu recommandes quand même à nos auditeurs, s'ils nous écoutent, qui sont intéressés par cette prochaine mission? Oui, bien sûr, ouais, ça peut être très très chouette, je recommande, bien sûr. Alors, on a oublié de préciser, tu termines quand ton service civique? Le 30 juin. Il commençait le 1er septembre et il finit le 30 juin. D'accord, donc les auditeurs intéressés pourront regarder. Donc, la prochaine mission sera probablement en septembre 2018. C'est ça. Ok. Wow. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Pas de souci. Et puis à bientôt, j'espère. Ben, merci, à toi aussi. Alors en tout cas, on se retrouve pour Portrait Civique. On se retrouve mercredi prochain à 14h. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Facebook de la page Radio Grimozo ou sur le site internet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.